Dans ses réponses données le 11 juillet aux questions du correspondant de l'Agence télégraphique centrale de Corée, le porte-parole de l'Association de mesure des droits de l'homme en Corée du Sud a critiqué la bande de Park Geun-hye qui avait exercé la pression sur la presse pour cacher ses crimes lors de la submersion du paquebot Sewol. Il a dit notamment: selon les syndicats de la presse, Lee Jong-hyun, secrétaire général d'information de la Maison Bleue, lors de la submersion du Sewol en avril 2014, qui avait téléphoné au directeur d'information de la KBS qui a dénoncé l'état de secours lamentable de la police maritime, a dit que Park Geun-hye a vu les informations et il a forcé à refaire la rédaction sans l'article en question. Cette nouvelle suscite l'indignation de différents milieux. La submersion du Sewol n'est pas un simple accident maritime, mais une catastrophe qui a fait des centaines de morts à cause de la démarche inhumaine et de l'incompétence de la bande de Park Geun-hye. À l'époque, la police maritime et autres autorités intéressées avaient assez de temps pour sauver les voyageurs jusqu'à ce que le paquebot coule complètement, mais elles ont procédé tard au sauvetage, voire manqué intentionnellement à leur devoir. Au contraire, elles ont taxé les familles des victimes d'agitateurs politiques, de marchands des cadavres, ainsi que les différents milieux qui demandaient la vérité, de rouges instigés par le Nord, de gauches serviles à l'égard du Nord, pour les réprimer brutalement. Le présent fait révélé montre clairement que la catastrophe est le corollaire de la politique antipopulaire de la bande de Park Geun-hye. Le comité d'enquête spéciale pour la vérité de la catastrophe a été obligé de terminer ses activités sans aucun résultat, et cela aussi est à cause des empêchements de la bande de Park Geun-hye pour dissimuler ses crimes. Les différents milieux sud-coréens ne doivent pas pardonner la bande de Park Geun-hye qui s'emporte pour cacher la vérité, et ils doivent la punir au nom de la population.